better that way. We'll be right back. Furthermore, you can all go fuck yourselves. Listen. It's a journey. Chez mon producteur. Cela me fera vraiment très très plaisir.